Allez, roulez jeunesse. Eh ouais, et vous savez quoi? Interclassé badass. Voilà, badass, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, il répète ça depuis ce matin. Alors j'essaie de les tenir, c'est ma première fois en classe, hein. Ça va être... Oui, je vois ça. Bah, Interclasse est avec nous, les élèves du collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher, mesdames et messieurs. Attention, nous allons faire une émission de feu, c'est parti. Salut les amis! Salut Charline! Alors, asseyez-vous, je ne veux plus entendre une mouche voler et sortez vos cahiers de texte. Mais Charline, Madame Charline! Non, mais c'est bon, on n'est pas à l'école. Mais si, justement, aujourd'hui, je suis la maîtresse. Arrête, tu transpires de la moustache. André, 2 heures de colle. Non, mais attends, c'est quoi l'idée là? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est interclasse. Ah! Et donc, comme l'invité de l'émission, eh ben, on a une classe de la Ferté-Gaucher. De la Ferté-Gaucher, c'est formidable. Ah bon, c'est formidable la Ferté-Gaucher? Non, mais c'est formidable qu'il y ait une école à la Ferté-Gaucher. Oh, ça va, silence, oui, silence. Elle me fait peur. Bon, Juliette. Ne fais pas l'élément perturbateur, s'il te plaît. Mais j'ai rien dit. Mais si, si. Donc on a des jeunes comme invités, voilà, c'est ça. Ça, mais oui, d'accord. Okay. Que des conneries, les jeunes. Bah, comme ça, pour une fois, il n'y aura pas que toi qui racontera des conneries. Hein. Bon, allez, on y va, on prépare. Ok, alors moi, je cherche dans le journal de Mickey. Voilà, moi, Picsou Magazine. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on cherche des sujets. Bien sûr, on est mis avec les enfants. Mais non, mais les gars, c'est des ados, ils lisent pas Picsou Magazine. C'est con parce que celui de ce mois-ci est vachement intéressant. Bon, ouais, Juliette, un ado, c'est mature à quel âge? Oh non, mais c'est bon, moi, je dis plus rien. Il y aura des adolescentes, c'est ça? André, ils ont 14 ans. Non, mais je parle, je dis, vous dites, elles ont peut-être des belles voix. Silence! Bon, alors je vous préviens, si vous êtes plus dissipé que les jeunes, je vous vire de ma classe. C'est promis? Ah oui, ça je peux vous dire, ça c'est promis. Oui, génial! Ouais. Et on ne copie pas sur son voisin. Bonjour la France Inter et bonjour à tous les Bruxellois de la Terre. Vous écoutez l'émission qui ramène l'actualité sur les bancs de l'école et voici les 3 informations qui vont trouver des excuses pour ne pas y aller. Les collégiens d'aujourd'hui sont nés avec les attentats de New York. Depuis, cette violence a ponctué les grandes étapes de leur vie. L'état policier fait partie de leur décor et donc bien malin celui qui pourrait le remettre en question. Ouvre les yeux, Aziz, tu crois que le cinéma il a commencé par Taxi 4 ou quoi? Demain, les jeunes redescendent dans la rue contre la loi travail. Les journaux nous disent que les jeunes ont peur de l'avenir, mais le propre de la jeunesse, n'est-ce pas d'être optimiste? Alors, les plus jeunes, vous allez manifester demain? Ok, sauf que là, je viens de goûter. Et je suis en pleine digestion. Des enseignants suivent leurs élèves sur les réseaux sociaux. La vie en dehors de l'école est à portée de leurs mains. Ça porte un nom, stalker les élèves. Ça peut modifier le regard qu'on porte sur l'autre. Je suis tombée sur du lourd. Lucie, elle est sur Mythique. Je connais même son pseudo. Tu sais comment elle s'appelle? Galinette. Et moi, je suis accompagnée de celui qui va vous donner, à la fin de cette émission, des cours de blagues. C'est Alex Vizorek. Moi, je vous stalk, Charline, sur les réseaux. Et je peux dire que ce petit maillot de bain vous va très bien. Et autour de la table, on a une belle équipe. À 17h20, hier soir, dans La Nouvelle Star, il a trouvé un candidat tellement nul qui lui a dit... Est-ce que tu peux t'excuser auprès des musiciens, s'il te plaît? Alors, on espère qu'on ne va pas devoir lui dire la même chose à la fin de sa chronique. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis à l'unisson de notre belle jeunesse, puisque la chanteuse dont je vais vous parler a même pas 20 ans qu'elle a déjà fait 3 fois le tour du monde. Elle a commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Elle a signé son premier contrat à 16 ans. Elle s'appelle Aurora. Et elle est danoise. Je ne sais pas quand vous arrêtez. À 17h30, il défend la veuve et l'orphelin. Mais s'il continue à emmerder tout le monde, c'est sa compagne qui va être veuve et son fils orphelin. Heureusement, il n'a ni l'un ni l'autre. Bonjour Guillaume Meurice. Vous êtes beaucoup trop bien renseigné. Bonjour Alex, bonjour Charline. Bonjour à tous. Bah, je vais vous parler du retour de l'anneau de Jeanne d'Arc sur le sol français. Grâce à des donateurs privés, on va parler de culture, de notre culture avec eux. Notre culture, qui est la plus belle culture qui soit. Mais oui, les autres cultures, elles sont quand même vachement moins bien, faut le dire. Et à 17h40, certains boivent pour oublier, et c'est très bien. Et puis certains oublient qu'ils boivent, et c'est encore mieux. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on va parler? D'un bouquin qui a été fondateur pour moi et tous les gens de ma génération. Et j'espère que les enfants de la... Oh pardon, les adolescents de la Ferté-Gaucher, ils seront sensibles également. Ouais, vous êtes un exemple pour la jeunesse. Si tu écoutes, J'annule tout est terriblement moderne. Nous sommes présents dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook. On n'est pas encore sur Snapchat, j'ai pas vérifié si Vizorek qui était. On est sur Tinder, mais j'ai un peu de mal. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous Chirac, alors que lui-même ne s'en souvient déjà plus. Vous faites vos premiers pas en 2002, pas trop vite parce que c'est l'année des premiers radars automatiques en France. Vous apprenez à manger seul à partir de 2003, quand apparaît l'épidémie de grippe Avière et vous entrez tous au CP en 2007 quand le premier iPhone est commercialisé. Vous êtes le collège Jean Campin. Le collège Jean Campin. Mais bien sûr, c'est au jeu. Mais oui, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. On va réveiller là-haut. Alors c'est très mal parti parce que les deux micros, c'est les deux seuls qui ne sont pas intervenus. Ouais, alors les filles, bon, attention. On va le refaire, les grosse filles, confiance. Attention. Hein, et vous êtes bah, le collège Jean Campin. Ah, bon. Envoyez la patate. Attendez, parce que si ça se trouve, elles ne sont pas du tout du collège. Hein, en fait. Alors, nous accueillons d'abord Fatima Tou et Océane autour de cette table. Donc, les élèves du collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher dans cette émission spéciale Interclasse. Parce que Interclasse, c'est... C'est Bouddhas. Vous n'êtes pas compris vigilant, le délire. Je vous annonce que Fatima Tou n'est pas dans le délire. Ça va venir. Alors, on débute toujours cette émission en évoquant l'actualité de l'invité. Alors, est-ce que je sais pas s'il y a une actualité au collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher, est-ce qu'il y a une actualité particulière? Est-ce que le dealer va bien? Océane, est-ce que tout va bien? Non, rien de spécial. Est-ce qu'il y a un exposé d'histoire géo en cours, un truc comme ça? Rien du tout, d'accord. Ils ne foutent absolument rien. Déjà, est-ce que vous savez, donc la promotion, souvent les invités viennent en promotion, c'est-à-dire qu'ils sortent un film, un disque, et ils se disent, si je viens parler, si je suis là, ça va faire parler de mon disque ou de mon film. Vous voyez? Alors, je me disais, c'est un peu comme dans les supermarchés, si vous voulez, c'est la promotion. Bon, très bien. Alors, faites-nous la promo de votre collège. Exactement. J'allais y venir, mon petit Guillaume, merci. Arrêtez d'être perturbateur comme ça. Si vous ouvriez le champomis déjà, oui, tout à fait, on a du champomis. Je tiens à dire aussi. C'est-à-dire que c'est ça qu'on est en carbure au champomis. Donc, comment est-ce que vous pourriez nous faire la promotion de votre collège et de la Ferté-Gaucher pour nous donner envie de venir, par exemple? Allez, je commence par Fatima Tou. Ah, faut donner envie, Fatima Tou. Ouais, faut là, y aller. Hein. Non, mais ment, Fatima Tou. Je ment. Trop de dossiers. Vas-y, ouvre-en. Ouvrons un dossier de la Ferté-Gaucher. Ah, parce que je dis le dossier. Ouais, bien sûr, complètement. Océane, tu peux l'aider. Personne n'écoute, tu peux y aller. Allez-y, les filles. Non, il y en a trop. Non, il n'y a pas de trop. Non, faut en choisir un. Imagine que Dick Rivers rêve d'être là pour vendre son disque. Hein, donc, est-ce que c'est joli déjà la Ferté-Gaucher? Alors. Il n'y a pas de doute, ce sont des adolescents. Charlie, vous ne serez jamais Jacques Martin. Je viens de voir passer Benjamin Biolay dans le couloir. Si on pouvait le prendre pour faire l'émission avec nous, ça m'arrangerait. Mais c'est où la Ferté-Gaucher? Dites-nous déjà. Racontez où. Faites-nous la topographie du lieu. Où est-ce qu'on se trouve? Ça vous devez le savoir. Non, mais non, c'est le mot topographie, je pense qu'il a perdu Fatouata. Non, c'est Fatima Tou déjà. On n'est pas obligé de mettre les voyelles. Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est rural? Oui, c'est une petite. Mais de quel collège vous venez vraiment? Avec Emmanuel Tavier qui est derrière moi. On est sûr que c'est le collège. On est sûr? Vous êtes sûr? Vous pouvez souffler derrière, parce que là, c'est en galère. C'est vers Coulommiers. D'accord. Mais... C'est aussi à côté de Disney. Entre Disney et Coulommiers, donc ok. D'accord, là pour l'instant ça donne pas très envie. Océane, allez, un truc. Il est sympa ce collège quand on a 14 ans, on aime bien d'aller à l'école, non? Non, ça va. On touche un point intéressant. Et pourquoi on n'aime pas? Ça a l'air pourri la Ferté-Gaucher. Oui. Mais alors, et pourquoi on n'aime pas aller à l'école à 14 ans? C'est quand même chouette, vous avez l'air tous sympas de vous entendre. Déjà, on doit se lever à 7h. Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem écoute l'émission? Donc, plutôt lever vers quelle heure, ça t'arrangerait? Non, mais on est là pour trouver des solutions, les gars. 10h? Comme ça, tu peux regarder télé matin. Motus, tu veux regarder Motus? Peut-être on peut faire 11, du coup. J'essaye d'organiser. Par exemple, est-ce que quand on vit à la Ferté-Gaucher, on pousse la curiosité jusqu'à Villeneuve-sur-Bello, par exemple? Moi, je me suis renseignée sur votre... On est perdu. Non, on est perdu. Le collège, il est nul. Vous savez quoi, on va vous laisser vous remettre un petit peu de vos émotions. Parce que je crois que vous êtes très impressionné par la présence d'André Manoukian. Et ça, je ne sais pas quoi faire. Donc, Charlie. Allez, on va se chauffer. Buvez du champomis. On a deux par quart d'heure. Ça va vous détendre. C'est Interclasse toute la journée sur France Inter avec le collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher. On ne sait toujours pas où c'est, mais on va y arriver. Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The Ça commence bien, ça commence bien. Maxime est avec nous et Mallory, attention. Hop, hop, hop, la récré, c'est terminé. On passe aux choses sérieuses, on se met au boulot sur France Inter avec cette spéciale interclasse et les élèves du collège Jean Campin de La Ferté-Gaucher. Autour de cette table, Alex Vizorek. Autour de cette classe, la classe de Madame Charline, avec le petit André, la petite Juliette, et vraiment au fond de la classe, bien sûr, hein, le grand Guillaume. Alors, on va partir sur des bonnes bases ensemble, c'est-à-dire qu'on va refaire un point sur l'information afin de bien débattre ensuite. Hein. Allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. On parlera bien sûr des suites des attentats de Bruxelles. L'identification des victimes de Bruxelles commence. Oui, Jeannette Bougrabe se serait déjà rendue sur place. Conséquence, selon un membre de l'UEFA, l'Euro 2016 pourrait se jouer à huis clos. Oui, aucun supporter. C'est donc bête que Monaco ne soit pas à l'Euro. Eux savent gérer ce genre d'ambiance. Il est encore trop tôt pour des brèves. Ah non, il faut continuer à vivre. Il y aura des brèves. D'accord. Et revenons d'abord sur la Tour Eiffel qui, hier soir, était aux couleurs noir, jaune, rouge. Oui, ce qui a fait une belle économie hein, donc à la France. Hein, par rapport au drapeau français, le noir, évidemment, ne nécessite aucune lumière. Et en Belgique, hier, nous avons été réconfortés par le discours du roi. Oui, dont le charisme, même en radio, transpire. Écoutez, je n'ai pas raccourci les blancs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, voilà, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. C'est la patate, ça nous a remonté, ça on l'a entendu, on a été chanté dans les rues. Il était ému. Oui, hein. pardon. Un autre Cyril Hanouna a dédié l'émission « Touche pas à mon poste d'hier » aux Belges. Oui, le sort s'acharne donc sur nous. Heureusement, il y a des gens qui ont des initiatives drôles. Oui, l'humoriste ivoirien qui fait le buzz en ce moment sur la toile, il s'appelle Observateur. Et comme évidemment, la Côte d'Ivoire a aussi connu des problèmes avec le terrorisme, lui, il en a marre et il a fait la vidéo ce matin. Il est très clair avec les terroristes. Pour vous, on va arrêter de vivre. Pour vous qui n'arrivez pas à sauter des michetonneuses ou n'arrivez pas à sauter des burettes et vous êtes frustrés, vous vous mettez des bombes pour aller tuer des gens. Pour vous, on va arrêter de vivre. Non, on ne peut pas arrêter. Cordialement, nous sommes désolés. Vous allez devoir changer de méthode. On va juste s'adapter. Voilà, cordialement, désolé. Et je pense que c'est une excellente analyse du terrorisme. Ah non, là, il est très très chouette. Bah oui, donc voilà, au milieu de ce malheur, tout d'homme, une belle histoire. Mason Well, c'est un miraculé. Le jeune homme de 19 ans est poursuivi par le terrorisme. Lui qui était à Boston et à Paris le jour où ces villes ont été frappées par des attentats. Eh bien, mardi, il était dans le hall de l'aéroport de Zaventem et il n'a rien. Voilà, on espère tous que Mason poste ses prochaines destinations de vacances sur sa page Facebook, comme ça nous, on s'adapte. Passons au reste de l'actualité. Oui, sport à présent. Samir Nasri se fait confisquer sa Lamborghini par la police. Eh oui, hein, hier c'était vraiment une journée de merde pour pas mal de gens. Donc, hein. Football toujours. Interrogé sur l'Euro 2016 de foot en France, Manuel Valls a écarté toute annulation car cela représenterait une défaite. Ah mais non, on lui a pas demandé de pronostic concernant l'équipe de France. Hein. On lui a demandé passons au catch. Oui, Hulk Hogan, légende du catch, recevra finalement 140 millions million de dollars en dédommagement de la diffusion de sa sextape sur un site internet. Sextape avec la femme d'un ami. Ah oui, mais je comprends que Mathieu Valbuena ne voulait pas donner 100 000 euros pour sa sextape. Ah oui, t'es vexé du prix, évidemment. Société à présent, les paquets de cigarettes neutres seront en vente dès le 20 mai. Voilà, et moi je tiens à féliciter tous les paquets de cigarettes parce qu'en ces temps troubles, choisir la neutralité, eh ben, je trouve ça vraiment très très classe. International à présent, au Brésil, en plein scandale politique, un site porno offre une ristourne de 70% à tous les parlementaires pour qu'ils puissent se défouler. Ah voilà, on ne pourra plus leur reprocher de ne rien branler. Et une brève pour terminer. Ivre, virgule, un curé incapable de célébrer la messe. Et c'est en France, à Saint-Laurent-du-Var. Il est tombé avant de faire la messe. Il a expliqué qu'il préférait rentrer chez lui au volant de sa deux chevaux. Mais les policiers ont été appelés en renfort et ont découvert une bouteille de whisky bien entamée sur le siège de sa voiture. Enfin, c'est grave quand même. Écoutez, moi je trouve ça beau qu'il essaye de convertir Johnny Walker. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h avec les élèves du collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. Pour cette spéciale... Un collège de sourds et muets, il faut quand même le dire. Un spécial voilà, interclasse. Alors, tout à l'heure, Fatima Tou et Océane ont chauffé un peu les micros. Donc maintenant, on accueille Maxime et Mallory pour parler avec nous du premier sujet. Ah. Vous êtes nés ici tous, pour la plupart, en 2001. Vous n'avez donc pas connu le monde occidental sans attentats, sans militaires dans les rues, sans flacons de moindre, 100 millilitres à emporter dans l'avion. D'ailleurs, si ça continue, eh bien, l'éducation de vos enfants à l'école pourrait bientôt ressembler à ça. Chef, oui, chef ! Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Mais en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branlement végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. Engagé Guignol, pourquoi tu es dans ma chère unité? Chef, pour tuer, chef! Donc tu es un tueur? Chef, oui, chef! Fais-moi voir ta gueule de guerrier! Ah! Mon cul, autant dire que tu m'as pas convaincu. Fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier! Ah! Tu me fais pas peur, travaille-moi ça! Chef, oui, chef! Extrait d'une comédie sentimentale appelée Full Metal Jacket. Voilà. Alors, je vais commencer par vous demander, est-ce que, suite aux attentats de Bruxelles, ou ceux de Paris, pourquoi pas, est-ce que vous avez, vous, posté des choses sur vos murs Facebook, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez regardé au moins à travers ce prisme-là, cet angle-là, cette actualité? Est-ce que vous avez eu le besoin d'exprimer quelque chose? Maxime. Bah évidemment, personnellement moi, j'ai retweeté des trucs pour soutenir les gens, les victimes, les familles, etc. Et puis bah voilà, j'ai tweeté des trucs pour soutenir, voilà. Ça te semble être un bon canal, Twitter ou Facebook pour... Bah pourquoi pas, c'est directement les gens y voient. On peut pas non plus contacter tout le monde par téléphone parce qu'on n'a pas leur numéro, donc Twitter, les réseaux sociaux, c'est bien. Donc c'est quelque chose de partage et de partage de ton émotion, voilà. Par exemple. Oui. Alors, oui. Alors Maxime, est-ce que toi tu as... T'es pas obligé, on ne te jugera pas, tu sais, si tu ne l'as pas fait. Mais peut-être tu es plutôt du côté des djihadistes, du coup. Hein. Peut-être à apporter du soutien s'ils sont morts aussi, finalement. Est-ce que toi, au moins, est-ce que tu as consulté un peu Facebook, Twitter, je sais pas ce que tu utilises Bah, j'ai regardé... vite fait, pour savoir s'il y avait des personnes que je connaissais ou quoi que ce soit qui étaient là-bas au moment. Mais vu que, à moi, ce que je sais, il n'y avait personne, donc ça ne m'a pas plus intéressé que ça, en fait. D'accord. Et est-ce que tu as voulu regarder la télévision pour essayer de voir ce qui s'était passé, pour comprendre? Comment est-ce que tu t'es informée sur ce qui s'est passé, toi? En fait, je n'ai pas eu trop le choix de m'informer parce que mes parents, ils voulaient savoir. Donc, Ah oui. Mais si les parents ils regardent, tu regardes quoi. T'as été enfermé dans ta chambre ou tu t'es assis avec eux devant la télévision? Non, bah je suis restée avec eux, mais comme ça au moins on est quand même au courant et c'est bien. Est-ce que ça fait une différence, Mallory et Maxime, quand ça vous a touché? Est-ce que vous avez fait une différence entre les attentats à Paris du 13 novembre et ce qui s'est passé à Bruxelles? Est-ce que vous l'avez ressenti différemment? Moi, ouais, parce que. Mallory. J'ai pas été tout de suite informée. J'ai appris beaucoup plus tard. Je savais même pas qu'il y avait eu quelque chose en Belgique. Et puis j'ai été moins active sur Twitter à retweeter des trucs pour la Belgique que pour la France, enfin pour la Paris justement. Parce que c'est arrivé vers 8h30. Vous étiez au collège, j'imagine. Et donc à toutes les intercours, vous allez jeter un œil sur votre portable ou non. C'est... non. Non, non, c'est une vraie question. Je ne sais pas si c'est autorisé, comment vous faites. Non, ce n'est pas autorisé. Ah, oui, donc, mais... Ah, discreto, sous le manteau. Maxime, toi, tu l'as vécu un peu différemment en te disant il y avait plus peut-être de risques que je connaisse des gens à Paris qu'à Bruxelles. Tu l'as ressenti peut-être un peu moins fort ou... Bah, non, au contraire. À Paris, ah oui. Voilà quoi. Mais à Belgique. Ça veut dire quoi, voilà quoi? Bah, c'est parce que j'avais personne là-bas, donc ouais. Ça ne m'a pas intéressée. La fatalité. Okay. Mais là, à Belgique. J'ai de la famille là-bas, donc ah, d'accord, oui. Voilà, j'ai cherché à savoir plus, mais... Un pincement au cœur, en tout cas. Est-ce qu'à la Ferté-Gaucher, on sent l'état d'urgence? C'est une question que je me pose, Mallory. Attention, parce qu'il paraît que mamie écoute. On l'embrasse, d'ailleurs. Oui, quand même. Hein, ça, j'ai des informations, moi. Je t'embrasse, mamie, si tu m'écoutes. Bah, ils ont mis des barrières, mais bon, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ah bon, ou ça? Ah, ça peut arrêter les djihadistes, des barrières. Attention. Ils ont mis des barrières. Bon, ça nous empêche plus de nous garer qu'autre chose. Mais au collège, oui, pour organiser l'entrée dans le collège, on fait un peu attention. Oui, voilà. Voilà. Puis... Mais pas de stress outre mesure. Non. Non. Eh bien, merci Maxime et Mallory. Est-ce que vous connaissez André Manoukian? Bien sûr. Oh, mais comment? Bah, la nouvelle star et tout ça. Ah, il fait la nouvelle star. C'est lui. C'est lui. Ah, c'est le vrai. Et vous êtes impressionné de le voir ou pas? Oh, bah, je vais dire à mon père, il regarde. Ah, d'ailleurs, voilà. Papa, je te fais un bisou. Et on salue. Oh là là, ça c'est beau. C'est le tissu social de la Ferté Gaucher, c'est important. Allez, André Manoukian. Allez, elle sort à peine du lycée. Elle n'a pas encore 20 ans. Et pourtant, elle a déjà fait plusieurs fois le tour de la planète. Elle a signé son premier contrat avec Decca, un prestigieux label pour ses 16 ans. Et bien, figurez-vous qu'elle n'est même pas américaine. Non, cette étoile nous vient du Nord. Bon, son peuple de guerriers découvrit le premier l'Amérique sur ses drakkars vers l'an 1000. Vous l'avez deviné, Roré. Allez, les enfants. Italienne. Qui c'est qui a découvert Danoise. L'Amérique sur des drakkars? Voilà, les Danoises. C'est très bien, Juliette, vous suivez. Aurore, la Boréale, vous avez compris? Tenez-vous Aurore. Droit, Juliette, on est en classe, je vous rappelle. Attendez, il y avait un jeu de mots d'André Manoukian. Oui, oui, Aurore, la Boréale, vous avez compris? Oui, ça fait Aurore, la Boréale. Déjà à la conquête du de monde... De gros progrès au deuxième trimestre. Ne doit rien à personne d'autre qu'elle-même. Elle n'est pas issue d'une dynastie de musiciens, comme beaucoup d'enfants prodiges, de Mozart à Beethoven, en passant par les Jackson 5. Non, c'est en fouinant en mode Alice au Pays des Merveilles qu'elle découvre, enfant, dans le grenier de ses claviers, dans le grenier de ses parents. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots du coup. Mais un non. Clavier. Aussitôt, elle s'en empare pour composer très vite ses premières mélodies. Conseil aux parents qui voudraient que leur progéniture fasse de la musique. Vous planquez l'instrument que vous rêveriez entendre jouer par votre enfant au grenier ou à la cave et vous faites en sorte qu'il plane un soupçon d'interdit afin qu'il le joue avec la joie de la transgression. Mon père a fait ça avec des Playboy et ça marche, ça marche. Alors, Aurora, non contente d'inventer très vite des mélodies sur son clavier, découvre Dylan et Cohen Leonard, à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, la barre est haute, non? Vous avez quel âge? 14 ans. Ouais. Ben c'est foutu. 4 ans de retard. Allez, en fait, c'est une réalité que vous pouvez tous vivre ici, aujourd'hui. Vous pouvez choisir vos modèles, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, quel que soit leur pays, quel que soit leur style, pourvu que vous vous sentiez en affinité avec eux. Et vous avez le monde entier à votre disposition. C'est ça, la grâce de votre génération 2.0. Moi, quand j'étais môme, j'habitais Lyon, j'étais tricard. Il fallait qu'on attende 5 ans pour que les disques arrivent chez nous. Et puis, le temps qu'on essaye de les copier, ça avait déjà été fait il y a pratiquement 10 ans. On avait toujours un train de retard. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de différence entre un gamin de Clermont-Ferrand ou même de la Ferté. Comment ça s'appelle votre coin? Gaucher. Gaucher. Voilà. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est né à la Ferté-Gaucher et un gamin qui serait né à New York. C'est pas beau, non? Je vous sens super enthousiaste sur ce coup-là. Non, pas vraiment. Ça, c'est plus intellectuel que la nouvelle star. Hein. C'est évidemment, il faut s'accrocher. Hein. Votre héros peut ainsi apparaître au fin fond de la campagne guatémaltèque ou en plein désert de l'Altaï. Pour peu que vous ayez aimé Narcos comme série ou Genghis Khan. Vous me suivez jusque-là? Mm-hmm. Hein? Bon. Alors, non, mais là, nous aussi, on pige rien. c'est pas du tout. Non, mais vous me faites un résumé à la fin. C'est dans les séries qu'on choisit ses héros, ok? Donc, voilà. Alors, mais moi, mes gamins, par exemple, ils ont flashé tout petit sur Stalingrad, le film de Jean-Jacques Cano qui montrait l'enfance du héros de la Deuxième Guerre mondiale en Sibérie lorsqu'il chassait le loup avec son grand-père. Et les voilà écoutant en boucle les chœurs de l'armée rouge affublés de la chapka de leur mère tout en s'extasiant sur la beauté des moustaches de Staline. Je vous promets, il y avait deux communistes à Chamonix, c'était les miens. Mais revenons à notre reine des neiges, Aurora. La pop nordique a ceci de particulier qu'elle porte encore très fort la folk en elle. La folk, c'est une musique qui vient des campagnes. Elle est faite de chants immémoriaux transmis de génération en génération et qui porte l'empreinte sacrée du passé. Elle est l'essence du peuple. Peuple dont la traduction saxonne est folk, pop. Folk, non, peuple, folk. Vous avez pigé là, vous avez... Il y a un lien sémantique. L'âme d'un peuple, c'est sa musique. Et les racines nordiques d'Aurora, la bien nommée, transpirent à travers ses ritournelles ethniques où le chant lapon le dispute à la gentille mélopée d'une sorcière viking. Oui, les femmes exclues de la sphère religieuse par les hommes développaient leur pouvoir spirituel clandestinement de mère en fille et devenaient sorcières parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Elles ne pouvaient pas être curées, les femmes, donc elles devenaient sorcières. Le pouvoir d'un bébé sorcière est sans limite. C'est une énergie pure, une arme sonique redoutable. Juliette en sait quelque chose. Mais lorsqu'elle est portée par l'amour, elle peut tout guérir sur son passage. Allez, on se prend une bonne dose d'Aurora. On a bien besoin en ce moment. C'est le choix d'André Manoukian. Benjamin me disait juste que en fait, cette chanson a été sélectionnée dans un jeu vidéo qui s'appelle FIFA 2016. Incroyable. Ah bon, ouais. Voilà. Je sais pas ce que ça dit de vos goûts musicaux, mais vous êtes sur France Inter et vous savez quoi, c'est une journée interclasse parce que interclasse c'est badass. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire badass au fait? Vas-y Bérénice. Bah non. Comment je vous refile la patate chaude? On a Bérénice et Aline avec nous. Littéralement mauvais cul, hein, si on voulait traduire. Ah bon, littéralement. Badass. Badass. Badass. Très bien. On parlait des attentats tout à l'heure avec vous, élève du collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher pour cette journée interclasse. Et vous avez appris les attentats de Bruxelles d'une manière assez particulière. Est-ce que vous voulez raconter brièvement Bérénice ou Aline? Ne dites pas où. Aline, raconte-moi. On a appris parce que les journalistes qui travaillent avec nous ont dû faire demi-tour. Ils étaient venus vous voir hier, ouais, pour préparer la journée. Ils sont venus nous voir pour le projet Interclasse comme toutes les deux semaines. Et ils ont dû faire demi-tour afin d'en parler sur la radio. C'est-à-dire sur le chemin, on les a prévenus, ouais. Mais ils sont quand même venus jusqu'à chez vous. Pour nous prévenir qu'ils devaient faire demi-tour. Et puis repartir dans l'autre sens. Moi, j'ai une petite question, Bérénice, alors du coup. Comment ça a été reçu quand on vous a dit bah, c'est vous qui allez faire interclasse? Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme de la part de la classe? Je vois que ça rit derrière, donc vous êtes représentante du truc. Ou vraiment vous vous êtes dit merde. C'est le rêve d'une vie, non? Encore un truc en plus. En fait, on ne savait pas trop ce que c'était au début et on n'aimait pas trop tous et après, ça allait mieux. Ah. Oh, cet enthousiasme, ça fait tellement plaisir. Allez, buvez un verre de champomie, on est ensemble jusqu'à 18h. Est-ce que vous connaissez Guillaume Meurice? Répondez oui, s'il vous plaît. Pour mon égo, je peux vous dire que ça va vous marquer, vous ne l'oublierez plus jamais. À vous, Guillaume. Oui, Charline, parce que ça flippe en Belgique, mais nous, en France, on est sauvés. On est désormais protégés des méchants parce que nous avons enfin récupéré l'anneau de Jeanne d'Arc. Et oui, notre Jeanne, celle qui criait « sus aux Anglais » bien avant Carla Bruni à genoux devant les Rolling Stones. Oui, je peux faire des blagues misogynes car Jeanne est de retour parmi nous. Et Jeanne, c'est la sainte patronne de la droite réac que j'aime tant. Et oui, ceux qui militent en permanence contre le droit des femmes ont choisi une femme comme emblème. C'est beau comme si Vincent McDoom était l'égérie de Daesh. Et puisqu'on parle de la droite réac, nous devons ce retour sur le sol français au fils de Philippe de Villiers, Nicolas, actuellement directeur du Puy du Fou, hein, le Disneyland version Christine Boutin. Nicolas, je l'ai contacté pour lui demander d'abord pourquoi cette acquisition. C'était un geste en réalité d'une certaine manière pacificateur. En tout cas, c'est amusant de voir que ça met un point final à la guerre de 100 ans qui était devenue une guerre de 600 ans. Eh oui, comme des cons, on se focalisait sur l'islamisme radical, mais c'était oublier les Anglois que nous avions boutés de notre douce France. Hein, et la douce France, il s'était barré avec la bagouze à Jeannette. Heureusement, on a mis 376 833 euros aux enchères pour la récupérer. Des dons privés, hein, comme celui de Charles Becbédé, le célèbre entrepreneur français. Je l'ai contacté aussi. Alors, il fait partie de ce qu'on appelle la communauté de l'anneau. Ça fait un peu nom de boîte échangiste gay, mais je crois que c'est pas du tout la même ambiance. Alors Charles, il espère quoi? Bon, on espère tous que évidemment l'anneau est authentique, mais parce que c'est pas sûr. Oh, bah, il y a toujours un risque 6 siècles après, vous vous rendez compte. Mais il y a quand même une très très forte présomption. Et vous avez mis une telle somme alors que vous n'êtes pas sûr que l'anneau soit authentique. D'abord, c'est pas une somme gigantesque. Non, c'est vrai. Alors, on est à 376 833 euros. On va demander leur avis à Bérénice et Aline. 376 000 euros, c'est... Non, c'est pas beaucoup. Hein, c'est pas beaucoup, c'est l'argent de poche, ça. Oui, c'est ça. Oui. Et encore hebdomadaire, pas mensuel. Oui, voilà. Bah, on est sur la même longueur d'onde, je voulais vérifier. Pour vous donner une idée, c'est à peu près un demi-mois de salaire d'André Manoukian. Ouais, ça, non, mais je le dis, c'est important que vous le sachiez. Hein. Ne vous emmerdez pas avec les études. Transpirez de la moustache devant des casseroles qui se prennent pour Tina Turner. Et le tour est joué. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et récupérer d'autres anneaux de Jeanne d'Arc, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, combien il a mis personnellement, Charles Becbédé? Moi, j'ai mis 20 000 euros. Voilà. Mais 20 000 euros pour un anneau dont vous n'êtes pas sûr qu'il ait vraiment appartenu à Jeanne d'Arc? Eh oui, c'est comme ça. Et s'il s'avère que c'est pas l'anneau de Jeanne d'Arc? Eh ben, ça aura été une belle histoire. Mais ça serait évidemment une petite déception. La fameuse petite déception à 20 000 boules. Alors, ça ne sera pas le seul à être déçu, hein, car il y a 10 dizaines de personnes qui ont souscrit pour récupérer cet anneau. Et ça prouve une chose, c'est que le peuple de France est capable de se réunir autour d'un projet. Alors là, bien sûr, il s'agit d'un projet vraiment magnifique, un beau projet. Mais est-ce qu'il pourrait aussi s'unir autour d'un projet un petit peu moins fabuleux? Par exemple, lutter contre la pauvreté. Hein, qu'en pense Charles? Alors, les deux sont importants. C'est-à-dire que vous avez raison, il faut des nourritures terrestres, mais aussi les nourritures spirituelles. Et donc là, on est plus dans le spirituel. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre 20 000 euros pour le secours populaire? Mais, écoutez, je crois que ça serait pas convenable d'étaler ce que je peux faire pour telle ou telle association caritative. Vous l'avez fait pour l'anneau. Vous m'interrogez sur l'anneau et donc je réponds à vos questions, mais je pense que ça serait pas digne de se vanter de telle ou telle action caritative que je peux effectuer. Oui, bien sûr, vaut mieux se vanter d'avoir mis 20 000 balles dans une breloque. Restons classe, hein, c'est important, restons élégants. Mais alors attendez, une bague qui coûte un bras et qui, si ça se trouve, est fausse, ça m'a inspiré une autre question pour Charles. Est-ce qu'on se serait pas encore fait une fois de plus niquer par les Anglais? Je ne suis pas sûr, parce parce que le fait que le Conseil des arts britanniques veuille préempter l'objet, ben c'est trop tard, bien sûr. Ouais, mais on sait qu'ils sont fourbes, les Anglais. C'est sûr qu'il faut se méfier. Bah, un petit peu qu'il faut se méfier, hein. C'est quand même des gens qui bouffent du pudding, alors que nous, on est quand même le pays de la gastronomie. Hein. Ce sont des gens qui ont des princesses, alors que nous, on a le tunnel du pont de l'Alma. Hein. C'est quand même beaucoup plus solide. Ce sont des gens qui refusent d'accueillir des migrants, alors que nous... bon, là, c'est pas un bon exemple. Alors, enchaînons. Et partons à la reconquête de notre histoire. Tiens, d'ailleurs, j'avais une dernière question pour Nicolas de Villiers. Quel est votre prochain projet d'acquisition? Est-ce que, par exemple, vous êtes sur le coup si on retrouve le slip de Vercingétorix? Nous n'allons pas courir après tous les objets historiques divers qui peuvent être mis sur le marché. Ça n'est pas l'objectif. Ah, ça serait une belle pièce quand même pour le Puy du Fou. Non, mais attendez, de quoi donc, quelle pièce vous voulez dire? Le slip de Vercingétorix. C'est pas ce que vous a fait Vercingétorix pour que vous soyez à ce point préoccupé par son slip. Non, mais en fait, je suis pas vraiment préoccupé par son slip. Je suis préoccupé par la montée de la droite nationaliste qui se revendique de Jeanne d'Arc. Cette droite qui pleure une chef de guerre qui a fini brûlée tout en prônant sans cesse le retour de la femme au foyer. Guillaume Meurice, voilà. Je pense qu'on pouvait l'applaudir. Il y avait une vanne, vous avez compris. Les élèves du collège Jean Campin de la Ferté-Gaucher sont avec nous jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le deuxième sujet. La jeunesse redescend dans la rue... Non, attendez, je vais le refaire. La jeunesse redescend dans la rue demain. Voilà, c'est demain que la loi El Khomri est présentée au Conseil des ministres. Voilà, lycéens, étudiants et quatre syndicats estiment que le texte n'est toujours pas acceptable. J'en vois deux qui flippent autour de la table, parce que c'est compliqué comme sujet. Si les manifestants se préparent, vu les quelques incidents à la dernière manif, je peux vous dire qu'en face, les CRS se préparent aussi. Aujourd'hui, nous nous consacrons à la forme physique des CRS pour qu'ils soient au top pendant les manifestations. Pendant les émeutes des retraites, j'avais du mal à courir après tous ces vilains bolcheviks. J'étais lourd, je me sentais gras. Mais aujourd'hui, grâce à Gym 8, j'ai retrouvé un physique d'athlète et je leur pète les genoux sans problème. Gym 8, c'est vraiment super. Et oui, pour courir pendant 4 heures et défoncer les manifestants, il faut avoir de bonnes jambes. Alors, on fléchit, on frappe et on court. Fléchis, tu frappes, fléchis, tu frappes, tu cours. Super. Mais c'est l'unique façon d'être au top dans les manifs pour casser du syndicaliste. Bien sûr, tu claques, tu tases et t'écrases. Tu claques, tu claques, tu claques, tu tases et t'écrases. Un extrait du Palmacho, voilà. Alors, nous sommes avec Bérénice et Aline. Est-ce que par hasard, vous avez déjà manifesté, par exemple, pour accompagner vos parents, ou manifesté, je sais pas, dans la rue principale de La Ferté-Gaucher? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non. Jamais? Bon. Vous n'avez pas participé à la révolution de La Ferté-Gaucher, donc? Non. Qui a eu lieu la semaine dernière. Dommage. Pas au courant. J'ai raté un rendez-vous avec l'histoire. Mais est-ce que finalement, manifester quand on est jeune, il y a des jeunes qui vont manifester demain contre la loi travail. Ils vont manifester, ils n'ont jamais travaillé. Est-ce que ça sert à quelque chose, à votre avis? Absolument rien. Oh, ça sert à... On est d'accord. Hein, on est d'accord. Ça sert à rien d'aller manifester. C'est ça que vous dites. Bah, vous seriez à Paris. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le travail, donc ils ne doivent pas y aller. Peut-être vous rêvez d'être milliardaire. Non? Parce que c'est Emmanuel Macron, le ministre, qui l'a dit, les jeunes rêvent d'être milliardaires. Est-ce que vous rêvez d'être milliardaire? Bah, pas forcément. Non? Pour racheter la note Jeanne d'Arc, c'est pratique. Hein, bah oui, quand même. Est-ce qu'à 14 ans, on sait déjà ce qu'on veut être? Non, pas trop. Pas trop. Et ça ne nous inquiète pas du tout? Si, un peu, mais... Ah, parce que moi, ça ne m'inquiétait pas à 14 ans. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se mobilise contre la loi travail, ensemble. Donc, on va faire des slogans, hein, je vous en ai distribué. Donc, on va faire déjà le numéro 5. Hein, Non au prud'homme, oui à la réforme. C'est parti. Non au prud'homme, voilà. Oui à la réforme. Bravo, bien, c'est très très bien. Alors, je vais en faire une autre. CGT, bande des nazes, nous on préfère Pierre Gattaz. CGT, bande des nazes, nous on préfère Pierre Gattaz. C'est important de former la jeunesse. C'est bien. La contre-manif, on démarre à Bastille. Et alors ça, ça n'étonne personne, tout va bien? On vient de dire, voilà. Une bonne question. Donc, Fatima Tou dans la première partie de l'émission n'était pas encore chauffée, mais là, qui est Pierre Gattaz? C'est le patron des patrons, c'est le président du MEDEF. Mais c'est une question qu'il aurait fallu se poser avant de dire on va suivre Pierre Gattaz. On vous a fait gueuler des trucs, on vous a manipulé. Bien sûr. Voilà, vous êtes tous tombés dans le panneau. Ah bah dites donc, la journée interclasse à France Inter, l'esprit critique, ça s'est ouvert. Mais ils sont où les profs? Quand vous avez entendu que les jeunes allaient dans la rue pour la loi El Khomri, vous avez entendu ce nom-là aux informations? Loi El Khomri, ça vous dit quelque chose, la loi travail? Non, pas du tout. Non, vous découvrez ce mot. Oui. Non, c'est une vraie question. Ça viendra. Avec le lycée, les inquiétudes de l'avenir, tout ça, ça viendra. Non, vous pourriez passer devant la télé pendant que les parents mangent la pizza, je sais pas. Allez, si on passe un petit peu à la drôle de vision de la Ferté. À la littérature, avec Juliette Arnaud. Alors, bien sûr, je vais vous parler d'un temps où la littérature spécialement dédiée aux ados n'existait pas, en tout cas pas dans les proportions actuelles. C'était avant Harry Potter, avant Hunger Games, c'était ma jeunesse à moi. Tous les peu de livres à disposition, je les volais tous. Alors j'ai demandé les cornichons au chocolat, c'était passé comme une lettre à la poste auprès de ma mère qui avait trouvé le titre vaguement répugnant, certes, mais c'est bien connu, les gosses ont un goût de chiottes. Ensuite j'ai demandé l'herbe bleue, ma mère avait dû confondre en toute bonne foi avec un manuel d'herboristerie, je l'ai eu. J'ai demandé J'étais une jeune fille laide, ma mère avait pensé en son petit fort intérieur qu'effectivement ça matchait, je l'ai eu. Quand j'ai demandé, moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, elle est ma mère. C'est un bon sujet pour nos collégiens aujourd'hui. Voilà, ma mère m'a regardée comme si j'étais l'équivalent humain d'un site d'enfouissement des déchets. Je l'ai donc chopé au marché noir, le livre, c'est-à-dire par les bons soins d'une cousine plus âgée, plus affranchie. Et pendant quelques semaines, alors que ma mère me pensait occupée à lire l'intégrale de la comtesse de Ségur, je me suis attaquée à... Je répète, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Où devrais-je dire, ce livre m'a attaquée, comme son titre français l'indique, hein, le titre allemand et original est « Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ». La lecture de ce livre n'est pas un moment de repos. Le lire à l'âge adulte, c'est carrément une épreuve. C'est comme si, adolescent, on avait une capacité d'encaissement bien supérieure à celle des adultes et à ce que, surtout, se figurent les adultes. L'histoire, c'est une histoire vraie. C'est un récit qui est recueilli par deux journalistes en 1978, de la bouche de Christiane, encore mineure. Elle a 16 ans à la publication du livre. Elle vient d'une famille dysfonctionnelle. Christiane, elle s'ennuie, elle trouve la société pourrie. C'est l'Allemagne des années 70, plus particulièrement Berlin. J'aime autant vous dire que c'est pas Berlin 2016. Christiane, elle se cherche, elle est attirée par des jeunes gens qui traînent à Berlin, notamment dans le quartier de la gare du Zoo. Ces gens se droguent salement, elle va s'y mettre et tomber dedans avec toute la démesure qu'on a à cet âge-là. Là, j'ai pensé à Paul Nizan, un auteur que vous étudierez, je l'espère pour vous plus tard, et qui dit dans un tout petit livre qui s'appelle Aden Arabi, la phrase suivante: j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Ça fonctionne aussi avec 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19, et ça, à mon avis, ça tire jusqu'à 27. Le récit de cette éprouvante lecture, éprouvante mais aussi haletante, parce qu'on l'aime tellement vite et absolument, cette petite jeune fille pleine de désespoir mais aussi de colère et de vie. Alors pendant tout le livre, on ne peut pas s'empêcher de lui murmurer des encouragements quand elle essaye de décrocher de l'héroïne. On voudrait la prendre dans nos bras quand elle rechute. Parfois, elle est traversée de pépites de lumière, Christiane, quand elle est amoureuse de son petit ami junkie, Detlev, qui est encore plus vulnérable qu'elle. Christiane, quand elle va au sein de la plus grosse boîte à l'époque de Berlin et qu'elle écoute David Bowie. Oh, I would be king. And you will be my queen. Oh, nothing will drive them away. We can be them just for one day. Là, je vais m'adresser aux parents des ados que j'ai devant moi. Offrez ce livre, mais ne l'offrez pas à vos enfants. Ils le trouveront tout seuls s'ils en ont envie. André a raison, le plaisir, il est aussi d'aller chercher les livres qui sont interdits. Non, vous les parents, offrez-le-vous à vous, histoire de renouer ne serait-ce que 5 minutes avec la petite personne que vous étiez. Faites un petit, tendre petit signe de la main à l'ancien vous. Et peut-être, l'ancien vous vous emmènera jusqu'à vos adolescents. Bisous. Merci Juliette Arnaud. Rappelez les références du livre. Avec plaisir. Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée chez Folio. Voilà, c'est le livre qu'a choisi Juliette Arnaud pour cette journée interclasse où nous recevons les élèves du collège Jean Campin de La Ferté-Gaucher. Vous êtes bien sur France Inter. On accueille dans ce studio Maximilien et Mathieu, mais il y a évidemment toute la classe du collège qui est là. J'aimerais vous entendre un petit peu. Faites du bruit pour voir un peu. Ouais, c'est bientôt fini Interclasse, les gars. Cet enthousiasme. Allez, troisième sujet avec vous. Les élèves ne s'en doutent pas forcément. Il arrive que des enseignants, piqués par la curiosité, tapent leur nom, le nom de leurs élèves, dans les barres de recherche Facebook, Twitter ou Instagram. Je me retourne vers votre professeur qui rougit. Et oui, la relation de l'adulte avec le mur Facebook, c'est tout un poème. Laetitia, sors de cette salle de bain, s'il te plaît. Ça fait une heure que j'attends, je suis à la bourre, moi. Ça va, maman? deux secondes. Fais-toi son mur. Quoi? Je suis pas très fier, mais c'est le seul truc qui marche en ce moment. C'est ce que j'ai fait à Paul quand il devait m'aider à tondre la pelouse. Je suis allé sur sa page, j'ai pourri son mur. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Attends, ma choupinette. Ton doudou est dans la machine à laver. Ton doudou. Pour que tu fasses un gros dodo. Ouais, c'est bien ça. Signe. Ah oh, oui, t'as raison. Ta mamounette qui t'aime fort. Au revoir. Un extrait de Parents mode d'emploi. C'est un article à lire sur Rue 89. Donc ça s'appelle stalker, c'est-à-dire un petit peu traquer, espionner sur les réseaux sociaux ou les élèves, ou vous peut-être les élèves, vous allez regarder un petit peu votre prof. Vous êtes déjà allé voir je pose la question par exemple à Mathieu. Est-ce que tu es déjà allé voir si on trouvait le nom de ton professeur sur les réseaux sociaux? Mets-toi bien en face du micro. Non, jamais. Jamais, bien sûr. On sent cette sincérité dans ta voix. Maximilien, ça t'est arrivé? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Non. Est-ce que ça vous inquiète? Tiens, Maximilien, garde le micro. Est-ce que vous seriez embêté d'apprendre que votre professeur est allé voir ce que vous postez sur Facebook, par exemple? Oui, parce qu'il y a certaines choses qui sont privées. Ah, mais alors tu les laisses en privé que pour les amis. Tout le monde n'a pas accès. Oui. Tu fais attention. Oui. Tu fais attention à ton image sur Facebook. Oui. Ah oui, quand même, c'est pas vrai, Maximilien, tu mens. On a tous été voir. Mathieu, toi aussi, tu fais attention à ce que tu postes et tu te dis, tiens, si mon professeur va voir ce que je fais, j'ai intérêt. Oui, ça me gênerait un petit peu, du coup, je fais attention. Oui. Bon. Moi, je voulais poser une question par rapport au réseau, parce que tout à l'heure, je parlais du fait que certaines références de l'actu ne vous arrivaient pas. Est-ce que c'est une façon de vous informer pour vous, les réseaux, ce que les autres postent comme articles potentiellement sur leur mur et ou Twitter ou Facebook? Bah, moi, personnellement, les réseaux sociaux, ça ne m'informe pas particulièrement et je ne m'en sers pas trop pour m'informer. Je me sers un peu plus de la télé. Ok. Mais donc, on regarde encore la télé quand on a 14 ans, quand même. Oui. Non, c'est une vraie question. Mais je suis obligé de le préciser. Donc, mais c'est quoi, le journal de 20h ou les chaînes d'infos en continu? Le journal de 20h. Donc, la grand-messe. Vous croyez ce que dit David Pujadas, par exemple? Bah oui. Oui, mais justement, cette journée interclasse est faite aussi pour l'esprit pour critique. Pour vous dire d'arrêter. Hein. Donc, et la radio. Soyez critique. Et la radio, avec, vous l'écoutez, la radio? Non, jamais. Personne? Levez la main. Bon, vous sortez tous. Ah, quand même. Vous sortez tous. Ah, c'est quelques mains qui se lèvent. Alors, Alex Vizorek, à cette heure-ci, d'habitude, on veut faire un sketch à l'invité. Voilà. Et ben là, c'est les élèves du collège qui vont faire de l'humour. J'ai donné un devoir. Il y a 2 heures, je leur ai dit, essayez de lire la presse de manière différente. Essayez de proposer une vanne. Essayez de proposer un décalage. Et alors, ils m'ont tous dit, il y en a un, c'est le grand spécialiste de ça. Donc, il est avec nous. T'appelles comment? Romain. Et alors, les autres t'ont balancé. Hein. Mais je leur ai demandé aux autres de faire un devoir. Donc, si j'irai les voir après, mais alors dis-nous ce que t'as écrit, qu'est-ce que t'as fait comme van et vas-y, je t'écoute. J'ai fait une blague sur Obama et les terroristes. Vas-y. Donc pendant qu'Obama était à Cuba, la police belge a cassé la baraque. Jeu de mots, ah, bien joué. Vas-y, et t'en as une autre? Il y a le film Batman contre Superman qui est sorti aujourd'hui. Ouais. Mm-hmm. Et je pense que le gagnant, ça sera qui aura le plus beau moonbeat. Mais il est bon, et c'est pas mauvais. Bravo, du tout. Ouais. Donc, alors comment ça t'est venu, comment t'as bossé le fait de l'écrire? J'ai pris des journaux et ouais. ça m'a inspiré. Et c'est un truc que tu fais régulièrement? Tu pourrais poster sur Twitter l'une ou l'autre des vannes que tu veux trouver? Je pense. Ouais. Mais donc, est-ce que c'est un truc qui t'incite à lire la presse? Que tu dis, en fait, il y a aussi des choses décalées, drôles, amusantes qui pourraient m'intéresser à l'actu. Après, je peux faire plusieurs blagues. Par exemple, quand on mange. On parle de l'info et. Mais ça parle politique à table chez toi? Des fois, ouais. Ouais. Parce que le fait que Obama soit à Cuba, c'est quand même toi qui. Ça t'a permis de le savoir. Ouais. Les autres, vous avez alors des blagues? Alors, on a Maximilien et Mathieu, je vois qu'ils ont bossé aussi. Hein. Allez, Maximilien, vas-y. Je fais une blague sur le Ryu qui va au Vendée Globe. Ouais, vas-y. Et Ryu affrontera le Vendée Globe sans ses ailes. Faudra pas qu'il oublie son pack de Red Bull. Il y a un petit peu de publicité dedans, mais c'est bien. On va switcher avec une pote de Mathieu. N'hésitez pas à faire une blague en chantant Yamanoukian. Hein. Elle est un petit peu... Non, vas-y. On a entendu pire ici, vas-y. C'est sur les curés. Ah, mais non. Vas-y, Mathieu. Vas-y. Y a deux curés qui sont aux toilettes. Il y en a un des deux, il dit « T'as pas grossi de la bite ?» Et l'autre lui répond « Non, je rentre encore de 17 ans. » Voilà. Et le lien à la cul, c'est bien sûr « Bon Seigneur Barbarin hein, ». Ah, bravo Mathieu. Dites pas bon Mathieu. Et voilà. La et alors, je signale aux auditeurs que Mathieu n'a même pas rougi en faisant. C'est bien parce qu'il a fait serrer. Non, mais tu as tous les codes pour bien la faire passer. C'est-à-dire que tu restes sérieux dans ton truc et tout. C'est formidable. Est-ce qu'on en a encore dans le public? Cette blague, c'est Romain qui m'a donné ça. Ah, il y a un côté. Alors là, je suis un peu ennuyé. Les filles, on n'a rien écrit. Alors, il reste 30 secondes. Si, si, les filles. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Une petite dernière en vitesse. C'est pas grave. Alors, le nombre de blagues pas drôles que j'ai faites, vas-y. Paris renforce la sécurité des sites sensibles, bah ils devraient sécuriser la tronche d'Hollande alors. et bim, bon, merci, voilà. Merci aux élèves du collège Jean Campin de La Ferté-Gaucher. Merci d'avoir été avec nous. Merci évidemment aussi à Emmanuel Davier de la rédaction qui a tout préparé avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Allez, le mot de la fin, en face des jeunes qui vont manifester demain, les forces de l'ordre se préparent aussi. Pendant les émeutes des retraites, j'avais du mal à courir après tous ces vilains bolcheviques. J'étais lourd, je me sentais gras. Mais aujourd'hui, grâce à Gym 8, j'ai retrouvé un physique d'athlète et je leur pète les genoux sans problème.